Jean Bosco, Douiman. Nous sommes jeudi 12 janvier 2017. Merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. La politique de la chaise vide est contre-productive. Ainsi se résume le point de vue de Tassien Sibomana. Réaction contre ceux qui disent qu'ils ne répondront pas à l'invitation de Benjamin Mkapa à la reprise du dialogue inter-burundais à Arusha lundi prochain. Le facilitateur Benjamin Mkapa devrait rencontrer des opposants qu'il n'a pas pu recevoir lors de sa visite début décembre dernier à Bujumbura. La mairie de Bujumbura reconnaît une créance de 2 mois seulement aux femmes balayeuses des rues alors que ces dernières déclarent 4 mois. La chargée de la communication à la mairie explique qu'il y a eu des erreurs dans l'établissement des rapports sur les jours de travail. Et en actualité internationale, l'Église catholique sollicite l'appui des Nations Unies pour la mise en application de l'accord de décembre entre le gouvernement et l'opposition. Là, nous sommes en République démocratique du Congo. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour. L'opposant politique Tassien Sibomana de la coalition Amizero ya Barundi, membre du Sénared, estime que le dialogue interburundais d'Arusha doit être engagé de façon effective en vue de trouver une solution à la crise burundaise. Il le dit au moment où le facilitateur Benjamin Mkapa prévoit rencontrer lundi prochain à Arusha en Tanzanie des opposants qu'il n'a pas pu écouter lors de sa visite début décembre dernier à Bujumbura. Pour Tassien Sibomana, ne pas répondre à l'appel du facilitateur suite aux propos qu'il a tenus dernièrement à Bujumbura au terme de sa visite et comme certains l'ont déjà déclaré, n'est en aucun cas une solution. Suivez-le. Nous avons été reçus par Mkapa avant qu'il nous dise des choses qui ont étonné tout le monde, des choses que nous avons d'ailleurs condamnées à travers une correspondance que nous avons adressée au chef d'État de la sous-région qui l'a mandaté au même titre que le président Museveni comme étant facilitateur dans le conflit burundais. La question centrale pour nous, ça reste à savoir si nous mesurons à la juste valeur ce que nous recherchons à travers ce dialogue. Nous visons la sortie effective de la crise dans laquelle le Burundi est plongé. Selon vous, avec ou sans le Sénared, est-ce que le dialogue peut continuer et aboutir à quelque chose? D'abord, une précision de taille. Nous avons toujours défendu le principe d'un dialogue inclusif et véritable. Oui. Mais rappelez-vous, il ne faut pas qu'on fasse des amalgames. Les 2 dernières sessions, on n'a jamais invité le Sénared comme tel. On a toujours invité les organisations qui composent cette plateforme. Par rapport à l'intérêt supérieur de la nation, si toutes les organisations membres du Sénared sont invitées au titre de leurs organisations respectives, il n'y a pas de raison qu'on ne participe pas. L'essentiel, c'est que tout le monde soit invité et que nous ayons la même vision des choses en termes des exigences, en termes de l'objectif recherché. Espérez-vous que les choses vont évoluer bientôt? C'est une question à laquelle je me réserve un peu parce que l'évolution dépend de plusieurs facteurs. Si ça dépendait que de l'opposition, probablement que les choses pourraient évoluer malgré ces divergences. Mais vous savez qu'en face, nous avons des gens qui ne sont sensible à aucun problème qui s'oppose dans ce pays. Je réponds de façon mi-figue, mi-raisin, parce que le fait de faire avancer le processus ne dépend pas seulement de l'opposition. Tassien Sibomana était au micro de Léonce Vitariho. La commission Vérité et Réconciliation Sévère est à l'œuvre, bien qu'il y ait des associations des victimes de la crise de 72 qui ne le reconnaissent pas. C'est la secrétaire générale de cette commission qui l'a indiqué ce mercredi, alors qu'elle s'était rendue en zone Makamba de la commune Rusaka, c'est dans la province de Mwaro, où les restes des victimes de la crise de 72 ont été découverts pour s'enquérir de la situation. Cependant, Clotilde Nizigama reconnaît que la commission fait face à certains défis. Pour les relever, elle indique que la CVR travaille déjà avec des partenaires qui ont une expérience avérée dans ce domaine d'intervention. On l'écoute et les répond aux questions de Joseph Saviabandi. Les restes qui ont été mis à nu, nous venons de nous entendre avec l'administration. Nous allons travailler ensemble avec la commission Vérité et Réconciliation, bien évidemment. Pour que l'on puisse les protéger, on va mettre un grand sachet là-dessus et puis on va mettre de la terre là-dessus. Mais ce sera simplement provisoire parce que nous allons d'ores et déjà nous organiser pour continuer nos travaux, nos activités de fouille et d'identification des autres restes des personnes pour que l'on puisse les protéger, pour que l'on puisse aller de l'avant justement par rapport à l'enterrement digne des nôtres. Les associations des victimes disent qu'elles sont insatisfaites des réalisations de la commission. Est-ce qu'on peut dire que vous avez des défis Mais je voudrais vous retourner la question. Est-ce que vous êtes satisfait vous-même ou vous n'êtes pas satisfait du travail de la commission? Comme nous sommes ensemble ici, déjà découvrir les restes de nos gens, de nos frères et frères qui sont enterrés ici. Je crois que nous sommes en train de travailler, de faire le possible, tous nos possibles, tous nos efforts pour accomplir les missions qui nous sont demandées. Les familles des victimes demandent l'identification de leurs pour qu'ils soient enterrés dignement. Est-ce que la commission a de l'expertise suffisante pour identifier chacun pour que les restes soient remis aux leurs? La commission est en train de travailler avec ses partenaires qui ont une expertise visible par rapport à la gestion de ce genre de questions. Nous sommes déjà en train de travailler avec eux, notamment la CICR et d'autres partenaires aussi. Et nous allons bientôt commencer alors à aller ensemble sur terrain. Nos partenaires vont nous dire s'ils sont capables d'identifier les victimes et de dire tel était qui ou tel était. Dans ces conditions, nous allons faire le possible. C'était Clotilde Niragiraino Nizigamase, la secrétaire générale de la Commission Vérité et Réconciliation, au micro de Joseph Sabiyabandi. La mairie de Bujumbura reconnaît qu'elle doit aux femmes balayeuses des rues de la ville un salaire de 2 mois seulement. Cela est affirmé par Candide Kazatsa, chargé de la communication à la mairie de Bujumbura. Mais quant à elle, ces femmes réclament un salaire de 4 mois. Candide Kazatsa explique que des erreurs ont été remarquées sur les factures transmises à la mairie par les coopératives de ces femmes en rapport avec les jours de travail proportionnels au salaire, et dit que leurs salaires pourront être disponibles dès la semaine prochaine. Suivez Candide Kazatsa. La mairie de Bujumbura a une convention d'entretien des espaces verts, des espaces publics, avec la coopérative Women Cleaning Group. Cette coopérative est chargée d'encadrer les personnes dont vous parlez. Ici, la mairie de Bujumbura, nous devons dire que la mairie ne doit pas 4 mois à cette coopérative, mais la mairie reconnaît seulement une facture pour 2 mois. Et le retard est dû au fait que, dans la transmission de la facture à la mairie de Bujumbura, d'abord, la facture vient tardivement. Ensuite, il y a des erreurs qui ont été remarquées au niveau de la mairie. Il faut alors lever ces erreurs pour que la coopérative puisse avoir son dû. Ces femmes réclament un salaire de 4 mois et vous vous dites que c'est 2 mois. Pourquoi cette différence de 2 mois? Comment expliquez-vous cela? La mairie de Bujumbura reconnaît 2 factures seulement parce que la mairie fait le suivi du travail qui est fait par la coopérative. Donc la mairie, il y a des services qui vont sur terrain. Ils ont constaté que ces gens n'ont pas travaillé pendant 2 mois. C'est pourquoi la mairie reconnaît seulement une facture de 2 mois, mais les 2 autres mois, ils n'ont pas travaillé, donc ils ne vont pas réclamer un salaire pour une période dans laquelle ils n'ont pas travaillé. Ce que nous demandons à ces gens, c'est que avant de faire recours aux médias, il fallait d'abord que l'association vienne à la mairie pour analyser ensemble leurs questions afin qu'ils puissent trouver ensemble une solution. Si tout va bien et que Women Cleaning Group et la mairie de Bujumbura travaillent ensemble pour lever les erreurs remarquées dans les factures, ils pourront avoir leur salaire la semaine prochaine. C'était Candide Kazatsa, elle est chargée de la communication à la mairie de Bujumbura. Elle répondait aux questions de Dorine Ndayirorere. Et la police de la sécurité routière s'est convenue ce mercredi avec les commerçants et camionneurs qui approvisionnent de la braise en mairie de Bujumbura sur la nouvelle loi régissant le chargement. Cette loi stipule que le chargement ne va pas dépasser 2,50 m de largeur et de hauteur. Et cela étant, les commerçants et transporteurs de la braise dénoncent des hommes en uniforme policier et autres en tenue civile qui leur rançonnent en cours de route. Le point avec Evariste Nzikobanyanga. Ces commerçants et transporteurs de la braise indiquent qu'ils ne sont pas contre la loi régissant le chargement mise en place par la police de la sécurité routière, mais contre les hommes, soit en uniforme policière, qui leur demandent de l'argent. Certains de ces policiers, surtout les chefs de poste, leur demandent de s'annoncer avant d'entrer dans les zones sous leur contrôle, indique ce commerçant. Nkaba chef de poste usanga baroga poste mu makomine ruguru gasanga turi yagerageje turi yarangije ivyangombwa byose. Certains chefs de poste de police dans les communes à l'intérieur du pays, même si nous avons des documents au complet, ils nous disent que nous ne pouvons pas entrer dans leur zone de contrôle avant qu'ils ne soient au courant. La question que l'on se pose est de savoir pourquoi toutes ces exigences alors que l'on est dans les normes. Pour s'annoncer à ce chef de poste de police, vous entendez que c'est question de l'argent. À ces policiers s'ajoutent d'autres personnes en tenue civile, demandeurs d'argent, poursuit ce commerçant. Il y en a d'autres chargés de diverses tâches. L'on peut citer les agents antifraude ainsi que les autres de la documentation pour ne citer que cela. Pour se faciliter la tâche, on doit leur donner de l'argent. Ces hommes et femmes qui approvisionnent de la braise à mairie de Bujumbura sont parfois accusés de transporter autre chose que la braise et sont obligés de décharger leurs camions, ce qui occasionne des pertes énormes. Ils nous disent qu'ils détiennent une information selon laquelle l'on a chargé autre chose que la braise. L'on nous intime l'ordre de décharger le marchandise pour vérification et pour ne pas perdre le temps, l'on est obligé de donner de l'argent. Le commandant de la police de la sécurité routière, Alfred Innocent Mousselemou, indique que la PCR est déjà à l'œuvre pour traquer et sanctionner les accusés. La police nationale a adopté une politique de lutte contre la corruption et l'une ou l'autre brebis galeuse qui sera attrapée en train de malmener ces transporteurs de braise sera sévèrement sanctionnée. Et nous avons encouragé ces conducteurs, ces transporteurs et ces marchands de braise à dénoncer tout cas de corruption, tout cas de là où ils vont voir que des agents ou autres fonctionnaires de la police nationale ont tenté d'obtenir de la corruption. La police de la sécurité routière compte donner à ces commerçants et transporteurs de la braise des croquis qui vont les aider à faire le chargement qui ne va pas les compromettre, ainsi que les numéros de téléphone qu'ils vont utiliser pour dénoncer ceux qui vont tenter de les rançonner. L'avenir. 13h07 à Bujumbura. Les détaillants des produits Braoudi dans les kiosques et bistrots moyens de la ville de Gitega ne sont pas en train de respecter les nouveaux tarifs fixés par la Braoudi. Le motif avancé est que le respect de ces tarifs occasionne un manque à gagner pour eux. Ils demandent à la Braoudi de revoir à la baisse le prix des grossistes. À la Brajita de Gitega, ils indiquent que le respect de ces tarifs incombe à l'administration. Et ces dernières soulignent qu'elle est en train de punir ceux qui violent cette tarification. Les détails avec notre correspondant Arthur Kavarouchi. Ceux qui vendent à la bouteille les produits de la Braoudi dans les kiosques et les bistrots moyens de la ville de Gitega ont ajouté une somme oscillant entre 50 et 100 francs sur chaque bouteille sur le prix réel de la Braoudi. Au moment où la moussière 65 centilitres coûte 1850 la bouteille, elle s'achète à 1900 francs bout. La moussière royale qui coûte 2000 francs se vend à 2200 francs, tandis que la bouteille de Primus 72 centilitres qui coûte 1400 francs se vend à 1500 francs et la moussière Bock qui est à 1300 francs s'achète à 1400 francs la bouteille. Ces vendeurs expliquent qu'ils sont obligés d'augmenter les prix pour qu'ils évitent de travailler à perte. Toutefois, ils demandent à la Braoudi de revoir à la baisse le prix des grossistes. À la Braguita de Gitega, ils ne voient pas cela comme ça, et plutôt, ils font savoir qu'ils ont déjà fixé les nouveaux tarifs et que le travail qui reste incombe à l'administration, c'est-à-dire faire respecter ces nouveaux tarifs. Les informations en provenance de l'administration à Gitega indiquent qu'en collaboration avec la police, ils ont déjà commencé à arrêter et à punir tous ceux qui ne sont pas en train de respecter les nouveaux tarifs. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur. Et le prix officiel du kilogramme de sucre de 2200 francs n'est pas respecté dans la ville de la, province de Rumonge. Et attend les 3000 francs burundais. Le gouverneur de cette entité administrative prévoit réunir samedi matin les grossistes qui vendent ce produit de la Sosumo pour une harmonisation des prix. Jean-Pierre Misago pour d'autres détails. Au marché central de Rumonge, le sucre est vendu à 2800 francs bout le kilo sans crainte d'être arrêté. Certains détaillants affirment avoir suspendu le commerce du sucre de peur d'être attrapés en train de le vendre à 3000 francs bout le kilo, puis puni. D'autres détaillants vendent le kilo à 3000 francs burundais et cela se fait dans la discrétion totale entre clients et vendeurs. Les acheteurs se lamentent qu'aucune action concrète n'est entrée entreprises au niveau administratif et policier pour ramener le prix du kilo du sucre à 2200 francs boulot. Kilo tel que dernièrement fixé par le gouvernement burundais. Au niveau du commissariat de police à Rumonge, l'on indique être à pied d'œuvre pour renormaliser la situation. De son côté, Juvenal Bigirimana, gouverneur de Rumonge, dit qu'une rencontre avec ceux qui s'approvisionnent à partir de la Sosimo est prévue ce samedi matin. Il leur sera exigé chaque fois une facture à ce point d'approvisionnement, de même que quand ils vendent au détail. De cette façon, l'on saura qui fait quoi et à quel niveau et des sanctions seront appliquées aux coupables, selon toujours le gouverneur de Rumonge, Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Et le ministère des Finances espère que les consommations ne vont pas diminuer à cause de la revue à la hausse de certaines taxes et impôts prévus par la loi budgétaire de 2017. Le porte-parole de ce ministère explique que l'augmentation de ces taxes est marginale vu l'inflation qu'a enregistré le pays au cours de l'an 2016. Au cours d'un café de presse jeudi, le commissaire général de l'Office burundais des recettes a fait savoir que seule l'augmentation de la production intérieure va permettre de stabiliser les prix des produits. Aubin Niyonguru. L'augmentation des taxes prévues par la loi budgétaire 2017 s'est faite dans les limites, a déclaré le porte-parole du ministère des Finances, vu l'inflation qu'a enregistré le pays. Désiré Mouchalitse. L'augmentation des impôts qui sont proposés dans la loi des finances pour la grande consommation, c'est une augmentation plus ou moins marginale. Marginale pourquoi ? Pour une raison simple. Si on regarde les variations, les augmentations qui sont proposées, c'est de l'ordre de 1% à 5%. Si on regarde l'inflation en moyenne annuelle en 2016, elle a été de plus ou moins 5,5-6%. Donc, en termes réels, normalement, les prix n'ont pas augmenté. Pour le consommateur, certes, le prix a augmenté, mais de façon marginale. Et nous pensons que la consommation ne va pas être freinée parce qu'on a augmenté ses prix. Pour le commissaire général de l'OBR, seule l'augmentation de la production intérieure permettrait de stabiliser les prix. Léonard Senhore. Ça fait aussi la hausse des prix, c'est lié aussi au niveau de la production intérieure. Je l'ai toujours dit, si nous voulons maîtriser la hausse des prix, il faut augmenter la production intérieure. La crise serait là. Il n'y a pas un pays qui a maîtrisé la hausse des prix par les importations. C'est impossible. Donc, il faut augmenter la production intérieure. Lors de la présentation de ce rapport trimestriel qui va d'octobre à décembre 2016, le commissaire général de l'OBR a indiqué que les rentrées couvrant cette période ont connu une augmentation de plus de 3 milliards par rapport aux recettes de la même période en 2015. Merci Aubin. Deux nouvelles de Provence avant l'actualité internationale. L'indemnisation cause des malentendus entre les habitants de Bubanza dont les terrains et les cultures ont été endommagés lors de la construction de la route Bubanza-Ndora. Ils disent qu'ils ont réclamé cette indemnisation depuis plusieurs mois, mais sans succès. À l'Office national des routes, l'on explique que le problème est connu et que les dossiers d'indemnisation sont en cours de traitement. Le point avec notre correspondante, Spescaritas Kabanyana. Donatien Ngendakoumana est l'un de ces habitants de Bubanza qui réclame l'indemnisation depuis plusieurs mois. Il précise que sa propriété qui se trouve sur la colline Mitakataka de plus de 1 hectare a été complètement endommagée lors de l'extraction de carrières par la société Sogea Satom quand elle construisait la route Bubanza-Ndora. Les cultures de haricots, de maïs, de bananes et de manioc ont été détruites en plus du terrain qu'il a cédé pour ses travaux. Il indique qu'il réclame jusqu'aujourd'hui l'indemnisation, mais sans succès. Ngendakoumana Donatien est l'un parmi beaucoup d'autres personnes, même si le nombre exact ne nous a pas été précisé, qui se lamente et qui se demande à quand cette indemnisation. À l'Office national des routes, on explique que ce problème est connu et que les dossiers concernant l'indemnisation de ces personnes sont en cours de traitement. Nestor Nahayo, qui a suivi de près ces dossiers, indique que ces personnes devraient patienter et qu'elles n'ont aucune raison de s'inquiéter puisqu'elles ont été tous enregistrées et qu'elles auront bientôt la réponse de ces réclamations. Merci Spécé. Un certain Tchoubga de la sous-colline Kesha, en commune Burambi de la province Rumonge, est dans les mains de la police de Burambi depuis ce jeudi matin. Le commissariat de police à Rumonge l'accuse d'avoir infligé des coups et blessures mortelles à sa femme qui a finalement rendu l'âme le matin de ce jeudi. La police précise que cet homme va être rapidement remis au parquet pour être jugé. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. C'est sur ce site que vous nous suivez à New York, Washington, comme à Kinshasa. En actualité internationale, aux États-Unis d'Amérique, Donald Trump reconnaît le rôle de la Russie dans le piratage des messages des responsables du Parti démocrate dans une conférence de presse ce mercredi. Au Maroc, 3 mois viennent de s'écouler sans la formation du gouvernement après la nomination du chef de gouvernement par le roi. Et en République démocratique du Congo, l'Église catholique sollicite l'appui de l'ONU pour la mise en application de l'accord de décembre entre le gouvernement et l'opposition. Alain Désiré Bokayeneza. En République démocratique du Congo, après la rencontre entre l'Église et la classe politique, l'Église catholique, via l'un de ses évêques, Marcel Outembi, a demandé mercredi l'aide du Conseil de sécurité de l'ONU pour l'application de l'accord signé le 31 décembre 2016. Outembi a déclaré que le peuple congolais compte sur le soutien international pour transformer l'accord signé en réalité. Selon le site de la BBC, l'accord appelle à la nomination d'un nouveau premier ministre et la mise en place d'un organe de transition qui va ouvrir la voie aux élections en décembre 2017 auxquelles Joseph Kabila ne peut être candidat. Au Maroc, il y a 3 mois et 4 jours que les Marocains attendent de connaître le nom de leur ministre depuis la désignation du leader du parti Justice et Développement, Abdelilah Benkiran, en tant que chef du gouvernement par le roi. La question sur toutes les lèvres au Maroc est de savoir combien de jours encore pour que son nouveau chef du gouvernement forme son équipe. Jamais un gouvernement marocain n'avait pris autant de temps pour être formé, y compris lors de l'avènement du gouvernement de l'alternance en 1998, qui avait permis aux anciens opposants de Hassan II d'accéder pour la première fois au pouvoir. Aux États-Unis d'Amérique, Donald Trump a tenu ce mercredi sa première conférence de presse depuis le mois de juillet dernier. Comme nous le lisons sur le site de la RFI, pour la première fois, Trump a explicitement reconnu lors de cette conférence le rôle de la Russie dans le piratage des messages des responsables du Parti démocrate. Un propos qu'il a cependant relativisé en accusant également d'autres pays et d'autres gens, notamment la Chine, de se livrer à ses activités de piratage contre les États-Unis. Nous avons avec nous les plus grands cerveaux informatiques du monde et ce que nous allons faire, c'est de les réunir et de construire une défense, a-t-il assuré. Alain Désiré Bokayeneza, c'est sur ces nouvelles brèves en actualité internationale que nous refermons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. J'ai bénéficié de la complicité technique d'Eric Ouimana à la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Ouimana, nous vous souhaitons de passer un très bon après-midi.